salariés protégés et conditions de travail. Aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. L'employeur peut donc seulement proposer une modification et l'intéressé est libre de la rejeter sans pouvoir être sanctionné pour avoir refusé cette proposition. Réciproquement, un salarié protégé ne peut pas imposer une modification de son contrat ou de ses conditions de travail à l'employeur. S'il sollicite une telle mesure, l'employeur est libre d'accéder ou non à cette demande dès lors qu'il l'examine loyalement et qu'il ne tient pas compte du mandat exercé par l'intéressé pour prendre sa décision.